بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد معنا اليوم الدرس 36 في شرح أصول الإيمان للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى aujourd'hui le 36e cours dans l'explication des fondements de la foi de l'imam Mohammed ibn Abd al-Wahhab rahmatullahi alayhi. L'auteur il nous dit: wa rawa al-imam Ahmad wa Muslim haditha majtama'a qawmun fi baytin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fi ma baynahum illa nazalat alayhim as-sakina wa ghashiyatuhum ar-rahmah وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. Il nous dit donc l'auteur rahimahullah et l'imam Ahmed ainsi que Muslim ont rapporté le hadith qui stipule que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: aucun groupe de personnes ne se rassemble dans une demeure parmi les demeures d'Allah, c'est-à-dire les mosquées, en récitant le Coran, en récitant le livre d'Allah et en l'étudiant entre eux, sans que l'apaisement, as-sakina, sans que l'apaisement ne descende sur eux et qu'ils ne soient couverts par la miséricorde, sans que l'apaisement ne descende sur eux et que la miséricorde ne les couvre et que les anges ne les entourent et qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, les cite à ceux qui sont auprès de lui, et que Allah Ta'ala les cite à ceux qui sont auprès de lui. Et celui qui n'accomplit pas beaucoup d'œuvres, ou celui dont ses œuvres sont manquantes, alors sa lignée ne va pas augmenter ses œuvres. Zakara al-mu'allifu rahimahullah adadan min al-ahadith wa akwali ahli al-ilmi fi bayani asnaf al-mala'ika. L'auteur, il a cité plusieurs hadiths qui nous montrent justement, et plusieurs hadiths et plusieurs paroles des gens de science qui nous montrent les différents types d'anges. Wa fi hadha al-hadith sinfun akhar. Et il y a dans ce hadith un autre type d'ange. Wa hum alladhina yabhathuna an majalis al-dhikr, majalis al-ilm. Et donc ces anges-là, ces autres anges, ce sont ceux qui cherchent les assises de science, les assises du rappel. فَيَحْضُرُونَ هَذِهِ الْمَجَالِسِ. Et donc, ils participent à ces assises. وَهَذَا فِيهِ أَهَمِّيَةُ هَذِهِ الْمَجَالِسِ الَّتِي لَيْسَتْ مَجَالِسَ اللَّهُ. Il y a dans cela, donc, l'importance de ce genre d'assises, les assises de science, qui ne sont pas des assises de distraction. وكذلك ليست مجالس معاصي التي يحضرها الشياطين. Et aussi, ce ne sont pas des assises de désobéissance, de péché auxquelles vont assister les diables. Ces assises comme la musique et autres, les concerts ou toutes ces assises de perversion et de péché auxquelles vont assister les diables, contrairement à ces assises de science auxquelles vont assister les anges. Wa inna ma hadhihi al-majalis hiya majalis al-ilm. Fa'ala al-mar' an yata'addaba bil-adab al-hasana fi hadhihi al-majalis. Et donc ces assises, ce sont des assises de science. Il convient donc à l'individu qu'il se comporte correctement, qu'il ait de bonnes manières, qu'il adopte de bonnes manières durant ses assises de science. Akhraja Abu Daoud fi Sunani an Usama ibn Sharik. Subhanallah, depuis qu'on a cité le comportement, j'ai vu au moins 10 frères qui ont changé leur façon de s'asseoir. Mashallah. On va citer ce hadith à la fin, au début de chaque cours, inshallah. Allahumma barik. C'est bien, quand on profite du rappel, ça fait du bien. Et donc, on a Oussama ibn Sharik qui nous dit, radiyallahu anhu, « Ataytu al-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, وأصحابه كأنما على رؤوسهم الطير فسلمت ثم قعدت فجاء الأعراب من ها هنا وها هنا فقالوا يا رسول الله أنا تداوى قال صلى الله عليه وسلم تداووا فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد الهرم. Abu Daoud a cité dans son Sunan selon Usama ibn Sharik qui dit: je suis venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors que ses compagnons étaient comme s'il y avait des oiseaux sur leur tête. C'est comme s'il y avait des oiseaux sur leur tête. J'ai donc passé le salam et je me suis assis. Puis, des bédouins sont venus de là et là, de part et d'autre. Et ils ont dit: ô messager d'Allah, est-ce que nous pouvons nous soigner? Est-ce que nous pouvons nous soigner? Il a dit sallallahu alayhi wa sallam: soignez-vous, car certes Allah azza wa jal n'a fait descendre une maladie sans qu'il place aussi son remède, sauf une maladie qui est la vieillesse, al-haram. La vieillesse, il n'y a pas d'antidote contre la vieillesse. Tu vieillis, tu vieillis. Il n'y a pas d'antidote. Al-shahid min hadha al-hadith, wasfu ashabi al-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi hadha al-masjid. Donc ici, ce qu'on veut de ce hadith, c'est la description des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam durant cette assise. C'est comme s'ils avaient des oiseaux sur la tête. On sait tous très bien que si un oiseau se pose sur la tête de quelqu'un, que cette personne bouge, ne serait-ce qu'un tout petit peu, l'oiseau, il part. Tu bouges un tout petit peu, tu vas clignoter des yeux, et il part. Là, ça montre, hada yushiru ila tarkizihim. Cela montre comment ils étaient concentrés à regarder le prophète sallallahu alayhi wa sallam et à l'écouter. Il y a un de mes enseignants qui nous a dit, une fois lorsqu'il nous citait ce hadith, il nous a dit: aujourd'hui, toulab al-ilm, aujourd'hui les étudiants en sciences, كأنهم على رؤوس طير. C'est comme si eux, ils sont sur des têtes d'oiseaux. Si tu es sur une tête d'oiseau, tu ne peux pas rester stable. Ils bougent, etc., etc. Et donc, pour montrer qu'aujourd'hui, les gens, ils n'arrivent pas à rester concentrés pendant un cours. On est là, on regarde à droite, à gauche, ci, ça. Et il faut qu'on regarde la montre 150 fois. Il y a une horloge, elle est là, on va la regarder je ne sais pas combien de fois. On n'arrive pas à rester concentré. Il faut donc qu'on s'entraîne à se concentrer pendant les cours. Surtout que les cours ne durent pas longtemps. Les cours ne durent pas longtemps, il faut donc qu'on apprenne le bon comportement durant ces assises de science. Wa fil hadith fadlul masajid wa anna al asla fid durus an takunu fil masajid. Il y a dans ce hadith les mérites des mosquées et que la base quant aux assises de science, c'est qu'elle soit dans les mosquées. C'est ça la base. Et Cheikh Al-Fawzan, Hafidahullah, il nous dit: وَأَمَّا الدُّرُوسَ الَّتِي تُقَمْ خَارِجَ الْمَسْجِدِ فَلَا يَحْدُرُهَا الْعَوَامِ يَحْدُرُهَا تُلَّبُ عِلْمْ فَقَطْ. Les cours qu'on va faire à l'extérieur de la mosquée, les gens de la masse en général, ils ne vont pas participer. C'est juste les étudiants qui sont venus pour le cours. Mais les cours qu'on fait à la mosquée, les gens qui sont venus prier, ils viennent à la salat, ensuite ils entendent qu'il y a un cours, alhamdoulilah, il y a des hasanat, on va profiter, on s'assied, on profite. Et donc c'est pour ça que c'est important que les toulab al-ilm, ils accordent de l'importance à cela, le fait de donner des cours dans les mosquées. La yakfi, c'est pas suffisant, donner des cours sur les téléphones, radio, MixLR, Zoom, etc., etc. T'as, mais est-ce que ces cours-là, les gens de la masse, ils vont venir assister? Non. Ou c'est rare. Et donc, si on veut toucher un maximum de personnes, montrer au maximum, on veut montrer la vérité au maximum de personnes, c'est important aussi qu'on aille dans les mosquées. Qu'on donne des durous dans les mosquées, c'est la base. Wafil hadith, et aussi d'ailleurs, excusez-moi en passant, c'est pour ça que, franchement, on doit tous ici remercier tous les frères qui participent à l'organisation de ces durous, parce qu'on a tous vraiment profité pendant ces deux ans, alhamdoulilah, on a profité, il y a eu beaucoup de durous, mashallah, et on espère qu'il y en aura encore plein, biiznillahi ta'ala. C'est important, ce grand bienfait, les assises de science. Wallah, les frères, c'est grandiose. Il y a des frères dans certaines villes, ils n'ont rien, walou, pas d'assises de science. On va à la mosquée, on fait les cinq prières et c'est fini. C'est fini. Et donc, il faut qu'on remercie Allah Tabaraka wa Ta'ala pour ce grand bienfait qu'il nous a accordé, puis qu'on remercie les frères qui participent à toute cette organisation. Wa fil hadith, fadl al-durus, ay durus al-Qur'an fil masajid. Il y a dans ce hadith les mérites des cours, c'est-à-dire les cours de Coran dans les mosquées. Wa yadkhulu fi dhalika as-sunnah. Et la sunna aussi rentre dans cela, dans les cours de Coran, parce que Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit wa ma ataakum ar-rasulu fakhudhu wa ma nahaakum anhu fantahu. Allah, c'est lui qui nous dit ce dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vient à vous avec cela, ce que le prophète il vous donne, il vous montre, alors prenez-le. Et ce qu'il vous interdit, alors arrêtez-le. Et donc, ceci est la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Il nous montre ici l'importance de la sunna. Et aussi, na'am, wa li anna qawla an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wahyun. Et aussi parce que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une révélation. Wa ma yantiku 'anil hawa, in huwa illa wahyun yuha. Il ne parle pas selon la raison. Tout ce qu'il dit est une révélation qui lui est faite. Et aussi, comme on l'a vu plusieurs fois dans cette mosquée, li anna sunna tufassiru al-Qur'an, car la sunna va expliquer le Qur'an. Et donc, il est important donc qu'on étudie le Qur'an, qu'on étudie la sunna. Naam, et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fi ma bainahum. Ils lisent le livre d'Allah et ils l'étudient. Car cela ne suffit pas le fait de lire le Coran, wa innama al-maqsad al-azim an tafhamahu. Cependant, le grand objectif, c'est que tu comprennes ce livre, que tu comprennes le Coran, que tu comprennes ce que Allah tabaraka wa ta'ala veut de toi. Wa fi hadha al-hadith al-mazaya allati li ahli hadhihi ad-durus. Il y a dans ce hadith les mérites, les particularités des gens qui participent à ces cours. Et parmi ces particularités, il y a Nuzul As-Sakina. Le fait donc que l'apaisement descende sur eux. Ils sont apaisés. Ils sont bien, alhamdulillah. Wa kadhalika ar-Rahmah. Et aussi le fait que la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala les couvre durant ces assises, Wa kadhalika kawnul malaika tuhitu bihim. Et aussi il y a le fait que les anges les cernent, les anges donc sont autour d'eux, les anges participent à ces assises de science. Wa afdalu hadhihi al-mazaya أن الله تبارك وتعالى يذكرهم في من عنده. Et les meilleurs parmi ces particularités, c'est que Allah تبارك وتعالى va citer ces gens-là à ceux qui sont auprès de lui. C'est-à-dire Allah تبارك وتعالى يثني عليهم. Allah il fait leurs éloges. Allah il fait leurs éloges. C'est pas une bonne nouvelle ça, aux chers frères, que Allah Azzawajal il fasse les éloges de ceux qui participent aux assises de science et que nous, on est à une assise de science. Alhamdulillah, c'est un très grand bienfait. C'est un très grand bienfait. Il faut qu'on continue, qu'on s'efforce à participer à ce genre d'assises, même s'il y a quelques kilomètres à faire. Alhamdulillah. لكن السؤال أيها الإخوة هذه المزايا هي خاصة بالدروس التي تقام في المسجد أو عامة. Cependant, ces particularités, oh chers frères, est-ce qu'elles sont spécifiques aux cours qui sont dans les mosquées, ou alors ces particularités sont générales, c'est-à-dire même les cours qu'on peut faire à la maison ou dans un merkez, etc. Est-ce que c'est général? العلامة الفوزان حفظه الله تعالى يرى أن هذه المزايا خاصة بالدروس التي تقام في المساجد وأن الدروس التي خارج المسجد فلا يحضرها الملائكة. Le Cheikh الفوزان حفظه الله, il voit que ces particularités qu'on a citées elles sont spécifiques aux cours qui sont donnés dans les mosquées. Et que les cours qui sont donnés à l'extérieur des mosquées, les anges ne vont pas y participer. Le deuxième avis dans cette question ici, le deuxième avis, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il a cité ce qui se passe le plus souvent. C'est-à-dire que les durous sont dans les mosquées. Walakin ad-durus allati takunu kharij al-masjid kadhalika yahduruha al-mala'ika. Et cependant, les assises qui se passent à l'extérieur des mosquées, aussi les anges vont participer. Wa hadha al-qawl huwa ikhtiyar al-hafiz an-nawawi fi sharhihi ala sahih muslim. Et cet avis, c'est l'avis donc qu'a choisi al-hafiz an-nawawi dans son explication de Sahih Muslim. Wa yadullu ala hadha al-qawl al-hadith alladhi dhakarahu al-mu'allif rahimahullah ba'd hadha. Et parmi les preuves qui vont appuyer cet avis, l'avis de Nawawi, il y a le hadith que l'auteur Muhammad ibn Abdel Wahhab rahimahullah, il nous cite juste après. Juste après le hadith qu'on étudie, il nous dit l'auteur rahimahullah, wa fil musnadi wa sunan hadith inna al malaika la tad'u ajnihataha li talib al ilmi ridan bima yasna. Et donc il nous dit l'auteur rahimahullah, il y a dans le musnad, c'est-à-dire dans le musnad de l'imam Ahmed ainsi que dans les sunan, le hadith, certes les anges rabaissent leurs ailes pour l'étudiant en science par satisfaction de ce qu'il fait. Par satisfaction de ce qu'il fait. Les ulama, ils nous disent « Wa hadha am ». Lam yathkur al-masajid aw kharij al-masajid. Hadha am. Les savants, ils nous disent « Ça, c'est général. » Il n'a pas cité les mosquées ou pas les mosquées. Ça, c'est général. Et donc, les anges, ils le font, que ça soit pour ceux qui étudient, qui font talab al-ilm dans la mosquée, ou ceux qui ne le font pas dans la mosquée. « Wa kadhalika yadullu ala hadha al-qawl » ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه وحكم عليه شيخنا عرفات المحمدي حفظه الله تعالى بالصحة قال سئل ابن عباس رضي الله عنهما أي العمل أفضل. Et parmi les preuves qui vont appuyer aussi cet avis, il y a donc un texte qui a été cité dans le مصنف d'Ibn Abi Shaybah, et avec une chaîne de transmission que Cheikh Arafat al-Muhammadi l'a jugé authentique. Dans ce texte, Ibn Abbas radiallahu anhuma fut interrogé. Quelles sont les meilleures œuvres? Quelles sont les meilleures œuvres? Il répond Ibn Abbas radiallahu anhuma, il dit « Dhikrullahi akbar » Le rappel d'Allah est plus grand. « Wa ma jalasa qawmun fi baytin » يَتَعَطَوْنَ فِيهِ كِتَابَ اللَّهِ فِي مَا بَيْنَهُمْ وَيَتَدَارَسُونَهُ إِلَّا أَظَلَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا وَكَانُوا أَضْيَافَ اللَّهِ مَدَامُوا فِيهِ حَتَّى يَفِيضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. Il dit Ibn Abbas, radiallahu anhuma, et donc le rappel d'Allah est plus grand. Et il n'y a personne, il n'y a aucun groupe qui se rassemble dans une demeure à étudier le livre, à lire, à réciter le livre d'Allah entre eux et à l'étudier sans que les anges ne leur fassent de l'ombre avec leurs ailes. Et ces gens-là qui se sont réunis pour cette assise, ceux-là, ils ne cessent d'être les invités d'Allah tant qu'ils restent dans cette assise jusqu'à ce qu'ils abordent un autre sujet. Et donc, cette parole d'Ibn Abbas, radiallahu anhuma, elle aussi, elle est générale. Cette parole aussi, elle est générale. Que ce soit dans les mosquées ou dans les demeures. Il reste dans ce hadith la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. « Man batta'a bihi amalu » Lam yusri'a bihi nasabu. Celui qui a des œuvres manquantes, alors sa lignée, son ascendance, ne n'augmentera pas ce manque, ne va pas donc ne va pas augmenter ses œuvres, excusez-moi, ne va pas combler ce manque. ففي هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إن لم يجتهد في القيام بالأعمال الصالحة فنسبه وأصوله لا تفيده شيئا. Il y a dans ce hadith, dans cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait que si l'homme ne fait pas d'efforts pour accomplir de bonnes actions, alors son origine, son ascendance ne lui seront d'aucune utilité. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous montre qu'il nous a créés à partir de deux mêmes créatures, Adam et Ève. Et donc les savants, ils nous disent à partir de là, l'être humain, on peut penser que vu qu'on vient tous de la même personne qui est Adam à la base, que comment on va faire pour se reconnaître, c'est difficile, comment on reconnaît les lignées, les familles, etc. Non, Allah Azza wa Jalla nous a facilité. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. Nous avons fait de vous des peuples et des tribus pour que vous puissiez vous reconnaître. On a tous la même base, mais nous avons des peuples et des tribus pour qu'on puisse se reconnaître. C'est plus facile, les liens de parenté, etc. Cependant, est-ce que ces peuples et les tribus, le fait que tu viennes de tel peuple ou de telle tribu, ça veut dire que tu es mieux que l'autre? Non. C'est pour ça que Allah tabaraka wa ta'ala, tout de suite après cela, il nous dit « Inna akramakum indallahi atqakum ». Certes, le plus noble parmi vous auprès d'Allah est le plus pieux d'entre vous. Le plus pieux d'entre vous. Et donc, il faut qu'on fasse attention à cela, que nos origines, nos parents, je suis le fils de un tel, tout cela ne nous sera d'aucune utilité, yawm al-qiyama. Ce qui importe, ce sont les œuvres que nous accomplissons pour obéir à Allah tabaraka wa ta'ala. Et le dernier hadith qu'a cité l'auteur, rahimahullah, dans ce chapitre concernant les anges, c'est le hadith qu'on a lu tout à l'heure, qu'on va relire, wa fil musnad wa sunan, حديث إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع والأحاديث في ذكرهم عليهم السلام كثيرة جدا. Et donc il nous cite le hadith qu'on a vu précédemment. Certes, les anges abaissent leurs ailes pour l'étudiant en science par satisfaction pour ce qu'il fait. Et ensuite l'auteur, rahimahullah, il nous dit, et certes les ahadiths qui parle d'eux, donc des anges, alayhimus salam, sont très nombreux. Et donc il nous montre ici qu'il n'a pas cité tous les ahadiths qui abordent le sujet des anges et des types d'anges, mais qu'il a cité juste certains. Wa fi hadha al-hadith ayyuha al-ikhwa amrun 'azim. Wa huwa anna ha'ula al-mala'ika tahtarimu tullab al-'ilm. Il y a le fait que ces anges, ô chers frères, ces anges-là respectent les étudiants en sciences. Ils respectent les étudiants en sciences. Contrairement à cette ambiance qu'on a aujourd'hui à dévaloriser les étudiants en sciences, « Ah, lui, c'est pas un docteur en médecine, c'est pas un avocat, c'est pas un agent immobilier, c'est pas ci, c'est pas ça. » On dévalorise les étudiants en sciences. À tel point que certains disent, oui, à partir du moment où tu n'as pas de bonnes notes à l'école, va étudier Sharia. Va étudier Sharia, si tu n'as pas réussi à l'école, va là-bas. Parce qu'ils dévalorisent cette matière, le fait d'étudier la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et pire que cela encore, lorsque ces critiques ne viennent pas des gens de la masse, mais qu'elles viennent des étudiants eux-mêmes. حينما تجد طلابا شأنهم يوميا أن يتكلموا في غيرهم من الطلاب. Lorsque tu vois des étudiants dont leur occupation tous les jours, c'est quoi? C'est parler sur les autres étudiants. Parler sur les autres étudiants. Mettre en garde contre eux pour rien du tout. On doit faire attention à cette maladie, oh cher frère. C'est une maladie. Le fait de critiquer injustement les étudiants en sciences comme cela. C'est une maladie. Les anges respectent les étudiants en sciences. Qui sommes-nous pour critiquer comme ça, sans preuve, sans rien? Oui, il faut mettre en garde contre le danger. S'il y a un étudiant en sciences qui égare les gens, etc., oui, il faut mettre en garde pour protéger la religion des gens. Mais s'il n'y a rien, pourquoi est-ce qu'on va mettre en garde? Pour de la jalousie? Pour de la jalousie? Quelle est la cause? Et donc on doit craindre Allah tabaraka wa ta'ala, respecter les étudiants en sciences. Respecter les étudiants en sciences, car même les anges abaissent leurs ailes par respect pour les étudiants en sciences. Barakallahu fikum, subhanakallahu wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa jazakumullahu khayran.